Du rap et des services de police. J'ai mes défauts et mes torts, mais je peux pas dire je suis sourire. Devant ma liasse de billets, tu me verras faire des sourires. Une overdose, un bad trip, et tu tombes dans la folie. Tu m'envoyais l'ascenseur, mais j'ai déjà pris l'escalier. Bonbonne de 10 et de 20 ont remplacé mes cahiers. Un peu maigras comme faillite, c'est pas pour ça qu'on s'arrête. Tu me cherches au check, je suis pas là, je suis vers Galerie Lafayette. On sait qui sont les gangsters, et on sait qui sont les saints. Je pourrais pas te niquer ta mère, tu risques de déposer plainte. Si je fais du son, c'est que je kiffe, je suis pas là pour plaire aux tasses. Y'a plus produit dans le refou, on prend Yankee en otage. J'suis sous weed avec Jimal, au studio avec Pacan. On fera toujours du sale, Marlo est encore au placard. J'serai toujours là pour ma fille, pas qu'elle finisse comme ses putes. À fond dans l'automatique, combien de toi qui sont bitumes. Je me suis fait péter, j'ai traîné dans le zoo, j'suis devenu un bad boy. La 308 noire fait que me guetter, mais j'vais pas rester là. Faut bien que j'touche le pactole. On garde la foi, tout dans la tête, j'compte sur mes coronets. C'est mon 357 maintenant. À force de dire les dingues qui se font tout bas, les bailles sont, tu te fais fumer comme alcool. Fais chaud dans ta cité, prêt à mettre 2-3 comas. Pour un bigot impénable, tu sors même plus en promenade. Énervé comme petit bout, on a fait du sale sur terre-terre. Un petit trou, il croit tout ce que j'ai ses pères. Tu rêves de serrer cette dame dans les coins chics de Paris. Tu roules dans un Mégane, elle kiffe que les Ferrari. C'est quand y'a plus rien à faire, font semblant de vouloir m'aider. Y'a que des jambes ouvertes depuis que j'vends des CD. Laisse-moi faire du bénéf, faire du bénéf. Y'a que comme ça que je les baisse. Depuis le bac à sable, depuis le bac à sable, j'ai de rouler dans la Benz. Combien de fois je me suis fait péter, j'ai traîné dans